Chapitre 4 Le mariage d'Hector et de Cordélia. Quand je revins à Vascoeuil, une lettre m'y attendait. Elle venait de Paris et je ne connaissais point l'écriture de la suscription. Dans l'enveloppe, je trouvai un mot de mon oncle qui m'écrivait à la hâte du fond du Tyrol. Le Tyrol? On ne va point dans le Tyrol pour affaire. Quelle raison avait-il de se promener dans le Tyrol avec Cordélia pendant que je les attendais dans cette triste maison? Il ne m'en disait rien. Il me donnait une adresse. Écris-nous le plus souvent possible, me disait-il. Écris-nous tous les jours. En attendant notre retour, je vais te donner de quoi t'occuper. Tu vas remettre Vascoeuil à neuf avec tout le confort moderne. Je me rapporte à toi. Meuble-le comme il te plaira. Il vous appartient à Cordélia et à toi. Je le dépose dans la corbeille de noces. C'est à Vascoeuil que vous vous marierez. Je sais que la propriété ne t'a jamais beaucoup séduit. Fais en sorte qu'elle te plaise. Mais ne touche pas au parc, ce sera l'affaire de Cordélia. Elle a des idées là-dessus. Nous t'embrassons fort. Et pas un mot de la main de ma fiancée. Pourquoi ne m'écrivait-elle pas? Est-ce qu'elle ne m'aimait plus? Depuis le voyage à Enqueville, sans savoir exactement pourquoi, je ne cessais de me poser cette horrible question. J'écrivais là-dessus à mon oncle et l'entretins de mon inquiétude. Je lui déclarai que j'étais incapable de m'occuper de quoi que ce fût au monde avant de savoir à quoi m'en tenir sur l'amour de Cordélia, et que je ne pourrais être tranquillisé que par elle-même. Je restai 15 jours sans réponse. Je passai ces 2 semaines comme une brute à attendre le facteur. Je faisais pitié à Surdon et sa femme, qui essayaient par instants de me raisonner, et que je n'entendais même point. Enfin, la lettre arriva, toujours l'enveloppe de Paris, comme je l'arrachais. Une lettre de Cordélia, c'est-à-dire une ligne. « Mais oui, je t'aime toujours, mon bon Hector. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. En voilà des idées. Deviens-tu fou ? À bientôt, mon cher mari. » Eh bien, voilà une lettre qui ne me contenta point du tout. « Je t'aime toujours, mon bon Hector » me paraissait comme une sorte d'emplâtre sur ma douleur. Ce n'était point ce que je demandais, et même « à bientôt, mon cher mari » ne me réchauffait nullement. J'écrivis à Cordélia toute ma détresse. Sur mon papier, je pleurais comme un gosse en lui rappelant nos serments, et je l'assurais que je préférais mourir de désespoir que de conduire à l'hôtel une Cordélia qui ne m'aima plus autant que dans ce moment-là. Alors, quelques jours plus tard, je reçus 8 pages de Cordélia, 8 grandes pages qui, cette fois, me firent pleurer de bonheur. J'y trouvais ma petite compagne d'autrefois, avec toute sa fraîcheur, sa spontanéité, sa joie de vivre à mes côtés, ses malices adorables. Elle semblait s'être replongée dans le passé avec une frénésie qu'elle voulait me faire partager. Elle n'y eut point de mal. Et puis, brusquement, après d'aussi chers souvenirs, elle parla du présent avec une confiance qui me rendit sur l'heure ma belle santé physique et morale. Elle se promettait des joies enfantines de notre mariage. Elle me parlait de notre installation à Vascoeuil avec des détails qui me le firent subitement aimer. Elle me disait « Tu verras comme Vascoeuil sera joli quand nous l'aurons arrangé à notre goût tous les deux. Tu vas courir à Paris et tu achèteras tout ce que je vais te dire. » Ici, la liste des achats. « Il faut que tout soit prêt à notre retour, car papa veut nous marier tout de suite. Ce n'est pas moi qui le contrarierai. Ah, pendant que j'y pense, ne touche pas au parc, tu ne l'as jamais compris. Il a sa beauté particulière que je me réserve de mettre en valeur. J'en ferai le jardin de Péléas et de Mélisande. Nous nous y promènerons dans nos heures de mélancolie, car on a beau être heureux, on a des heures de mélancolie, ce qui n'est du reste pas désagréable du tout. En attendant ces moments-là, je voudrais que nous fassions notre voyage de noces à cheval, comme de fous. Tu te rappelles que nous avions rêvé d'un voyage pareil quand nous étions tout petits, et que nous nous moquions des bourgeois qui prenaient le train. Mais tu verras que nous prendrons le train comme tout le monde. Qu'est-ce que cela fait si, au bout du train, il y a une gondole? Nous irons à Venise. Ça a toujours été entendu. Le Tyrol est affreux. Il n'y a là que des montagnes, et je déteste les montagnes, surtout quand elles me séparent de toi. » Et pendant 8 pages, cela continuait ainsi. « Cher, cher, cher Cordélia, comment pouvais-je douter de toi? De ton cher petit cœur, de ton cher petit cœur. Vite, vite à l'ouvrage, à moi les maçons, les peintres et tout le tremblement, comme dit mon oncle. J'activais le zèle de tous par ma bonne humeur et mes largesses. Je t'ai fait moi-même comme un gâcheur de plâtre, et Surdon en riait silencieusement quand il me tendait la bolée de cidre doré que j'avalais d'un trait pour montrer aux autres que l'on pouvait faire honneur au broc. J'avais bien fait de me presser. Mon oncle et Cordélia arrivèrent 8 jours plus tôt qu'ils ne l'avaient annoncé. Je les attendais vers le 8 octobre, et ils débarquèrent à Vascoeuil fin septembre. Tout n'était pas fini. Cordélia me trouva en haut d'une échelle, posant le papier de son boudoir. Je tombai dans ses bras. Elle me supporta très bien en disant « Dieu qu'il est laid !» J'eus un mouvement qui déchaîna son rire. J'avais cru qu'elle parlait de moi Et il ne s'agissait que du papier. Il n'en fallut pas davantage pour nous mettre dans une gaieté qui attira mon oncle. Il nous bénit, nous embrassa, nous rembrassa, nous rebénit, nous conta qu'il s'était marié lui-même dans cette maison, que Cordélia y était née, que nos enfants y naîtraient et nos petits-enfants aussi. À quoi Cordélia, qui ne l'écoutait pas, répliquait: Dieu que ça sent bon la peinture ici. Tiens, vois-tu, papa, maintenant je ne veux plus faire que de la peinture en bâtiment. Qu'est-ce que tu en dis? Je t'approuve, ma fille. Ah, comme je t'approuve. Voilà qui est sain. J'étais un peu étonné de l'entendre parler ainsi. J'avais toujours entendu dire que la santé des peintres en bâtiment courait de grands dangers, à cause, je crois, de la céruse. Et je présentai l'objection à mon oncle, qui me donna une bonne tape dans le dos pour toute réponse. Quelques instants plus tard, il me disait avec un bon sourire: Tu es toujours le meilleur des Hectors. Ne change jamais. Je ne savais pas pourquoi il me disait cela, car je n'avais pas l'intention de changer. Et puis, en y réfléchissant, j'ai compris depuis qu'il devait trouver en moi une simplicité qui lui plaisait, un esprit tranquille et pondéré, qu'il ne cherchait point, comme on dit, midi à 14 heures, et qu'il me conseillait, pour notre bonheur à tous, d'en rester là. Les 3 semaines qui suivirent passèrent vite, et d'une façon si heureuse que je me les rappelle comme étant les meilleures de ma vie. J'avais chassé de mon esprit toute préoccupation qui n'avait point de rapport avec les plaisirs de la journée, lesquels se résumaient pour Cordélia et pour moi à faire enrager tout le monde, à nous cacher derrière les portes, à nous poursuivre comme des écoliers et à nous embrasser, si bien que Cordélia, toute rouge, m'écartait gentiment en me disant: Hector, laisse-en, laisse-en pour demain. Chère, chère, chère Cordélia! Quand elle était arrivée, je l'avais trouvée un peu pâlotte, surmenée sans doute par le voyage. Maintenant, elle avait repris de belles couleurs. Elle était toujours aussi fine, mais je voyais bien qu'aucune des beautés naturelles de la femme ne lui manquait. Je ne saurais comment vous dire cela. Pour moi, il n'y avait jamais eu de plus belle femme sur la terre, et mon avis n'a point changé là-dessus. Son esprit et son corps, tout était divin. Je ne saurais en dire davantage. Enfin, le grand jour arriva. Ce fut une cérémonie admirable dont on parla longtemps à Vascoeuil. Le père de Cordélia, qui était un grand propriétaire terrien, avait invité tout le département à la mode de son temps. Je veux dire que tous les châteaux des environs étaient représentés à la noce. Il y avait là de grands noms et de grosses fortunes. Tout ce monde fut traité avec magnificence. Mon oncle voulut que la fête durât 3 jours, mais il céda aux instances de Cordélia, qui déclara que si tous les invités n'étaient point partis à 6 heures du soir, nous nous en irions. Le déjeuner fut, selon le désir de Cordélia, appelé lunch, mais quel lunch! Tout ceci, du reste, n'était rien en comparaison de ce qui se passait à 500 mètres de là, chez le principal fermier de mon oncle. On avait dressé des tentes dans un immense clos, et là-dessous, toute la paysannerie se comportait puissamment, comme aux noces de Gamache. Cordélia fit gentiment le tour des tables, sans montrer aucun écœurement de cette mangeaille, ce qui me plut beaucoup. Je la suivais comme un toutou. Chacun disait autour de nous: Ils ne sont pas fiers, qu'ils soient heureux.